Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chenet et Michel Bilodeau avec vous. Et on commence avec une nouveauté italienne. C'est le groupe Karmamoy qui va lancer le 1er septembre un nouvel album qui a pour titre Strings from the Edge of Sound. C'est le 7e album studio pour la formation italienne. Et ce qu'on sait de cet album, c'est qu'il y aura 4 nouvelles compositions et 5 pièces d'albums précédents qui seront reprises avec orchestre. Le premier extrait a pour titre Black Hole Era. Et puis, on aura de Norvège, de Pixie Ninja. En fait, je devrais préciser de Suède et de Norvège, car le batteur Mathias Olsson, l'ex Anglagarde, fait partie de ce projet, et ce troisième album de Pixie Ninja doit être lancé le 8 septembre sous le titre de Hypnagogia. Et Marc, par la suite, on se retrouve au Royaume-Uni. Oui, en effet, et c'est avec la formation Hats Off, Gentlemen, It's Adequate, ils sont de Londres, et ils feront paraître leur 7e album le 9 septembre prochain, intitulé « The Light of Ancient Mistakes ». On aura pour vous un extrait ce soir avec la pièce « Burn the World ». Et ce sera suivi de l'artiste américain Kurt Michael, qui est un musicien de tournée qui a accompagné un paquet d'artistes de styles très variés. Donc, il vient de faire paraître hier, le 7 juillet, son nouvel album « Stones from the Garden ». Après 12 ans d'absence, c'est son 4e album et il y a sur ça beaucoup d'artistes invités, dont Billy Sherwood dans les plus connus et également Amanda Lehman qui joue avec Steve Hackett. Alors donc, on aura pour vous ce soir un extrait intitulé « Why must life be such a fight ?» Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de la formation italienne « Karmamoy ». Peaceful.

You're sipping, chugging, thinking that you know me, pretending you were my friend. I have traveled down this road before, and the truth will emerge in the end. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. À la coopérative funéraire des Deux-Rives, nous vous offrons des carrières qui font une différence. Vous serez séduit par notre approche humaine qui allie respect et plaisir, ainsi que par nos emplois stimulants dans lesquels vous vous sentirez utile et valorisé. Car au cœur de tous nos gestes, il y a l'humain d'abord. Visitez notre site web au carrière avec un S, coopfunéraire2rives.com. Vous cherchez un endroit unique pour vous détendre et déguster un délicieux cocktail? Ne cherchez plus. Apicole, la distillerie de quartier, est l'endroit qu'il vous faut. Apicole est bien plus qu'une simple distillerie. C'est des artisans apiculteurs qui produisent de l'alcool à partir du miel en plein centre-ville de Québec. De plus, nous avons une offre spéciale pour nos amis de la cité Limoilou. Bénéficiez d'un rabais de 15% sur nos forfaits dégustation. Apicole, un concept unique, original, local et éco-responsable. 627 boulevard Charest, apicole.ca. L'Orchestre de la Francophonie est de retour en formation symphonique sous la direction de son cofondateur et chef principal, Jean-Philippe Tremblay. Le mercredi 12 juillet à 19h30 au Palais Montcalm. Virtuose renommé, le jeune violoniste italien Giovanni Andrea Zanon interprétera le concerto pour violon en mi mineur, opus 64 de Mendelssohn. L'Orchestre de la Francophonie, le mercredi 12 juillet à 19h30 au Palais Montcalm. Du 24 juin au 19 août, un vent de découverte se lève sur le Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Laissez-vous porter par des rendez-vous musicaux à couper le souffle et des performances artistiques qui font vibrer l'âme et le cœur. Planifiez votre envol dès maintenant. 42 Québec brise les codes. Notre formation gratuite te propose d'apprendre la programmation informatique comme nulle part ailleurs. On te fournit des projets concrets, un environnement stimulant et des collègues passionnés. Tu fournis la motivation et la curiosité. Rejoins la cohorte de septembre en visitant le 42québec.com. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, on poursuit avec une formation italienne qui a présenté récemment son second album, et c'est The 40 Days, un groupe formé en 2014. Et à l'origine, les musiciens faisaient partie d'un groupe hommage, c'est pas exceptionnel, loin de là. Et à l'écoute de leurs pièces, on devine que c'est Pink Floyd qui était leur sujet de prédilection. Et c'est l'album Beyond the Air. Et puis du Royaume-Uni, on aura la formation Rain, un groupe qui compte dans ses rangs nul autre que John Jowett et Andy Edwards, deux musiciens de l'univers de IQ. Et c'est l'album Radio Silence. Le groupe a présenté un premier album en 2020 qui avait pour titre Singularity. Et le second a été lancé en janvier de cette année, donc janvier 2023. Et puis, Marc, je pense qu'on reçoit par la suite un groupe qu'on a accueilli il n'y a pas longtemps encore lors de la 16e édition du festival Terra Incognita. Oui, en effet, on parle ici de la formation québécoise Polychoc. Et si on vous en parle, c'est qu'ils feront partie du Prog Night qui aura lieu le 19 juillet prochain au bar La Source de la Martinière à Québec. Et donc, en plus de Polychoc, il y aura la formation Pyramid Theorem. C'est aussi une formation canadienne de prog metal. Ils ont trois albums à leur actif, dont leur plus récent Beyond the Exosphere, dont on entendra un extrait. Il y aura également la formation californienne Trope, qui seront de ce festival. On aura ici un extrait de leur album Eleutheromania, leur seul album, paru en 2021. Donc, de Polychuk, on aura la pièce Hero avec la participation de Derek Sherinian de Dream Theater. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec la formation italienne The 40 Days. And a story with her right on the Wiping all the dust around and forget. I got lost and fool to pay my bill. Now I'm happy for the things that I I'm just trying to imagine. these times

pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation japonaise Yuka et Chronoship, et ce sera tiré de leur second album Dino Rocket Oxygen, qui était paru en 2013. La formation a maintenant 4 albums à son actif. On aura la pièce Cutting Gravity, et juste avant, on aura la formation suédoise Agusa, tiré de leur album éponyme paru en 2017. C'est une formation instrumentale. On aura ici la pièce Sorgenfree. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une excellente formation italienne. Oui, une formation qu'on apprécie tous les deux, et j'ai nommé Logos. On va écouter un extrait de leur 4e album, et c'est leur plus récent, Sadako et les Mille Gru di Carta. J'imagine que le groupe est en studio, je dis j'imagine, et j'espère que le groupe est en studio. Le disque est paru en 2020, donc 2023. On a peut-être un petit espoir pour 2024, mais en attendant, bon, on va écouter un extrait de ce 4e album. Thank you.